tiendrai l'île de bas. Même Roscoff et son vieux port ne s'en remettraient pas. Les ruelles du vieux Saint-Paul auront perdu leur âme. Les mauvais vents reviendront souffler sur Sainte-Anne. Bien sûr, il y a chez moi déjà tant de légendes. Laisse-moi te dire pourtant que mon pays t'attend. D'une Seine à Kéréma, des criques aux grandes plages. Les nuages viendront casser le blanc des dunes sauvages. J'ai entendu des voix de femmes près de l'ancien lavoir. Le long des murs de granit, elles répandent notre histoire. Bien sûr, il y a chez moi déjà tant de légendes. Laisse-moi te dire pourtant que mon pays t'attend. Je sais, il y a chez moi déjà tant de légendes.